le 7 juillet 1989, jour de ma naissance, maternité d'MDZ. C'est là que tout commence, départ pour Kaweli, là où j'ai passé toute mon enfance. Quartier Bambouni, arrivée du Bedi Farsi. Mes souvenirs dans ce quartier restent mes amis avec qui je jouais. Mes parents sont originaires des Comores. À l'époque, c'était trop la misère, mais de l'amour ils nous ont donné à moi et mes frères. Je fonds souvent en larmes quand je revois ma mère laver nos fringues à la rivière. Mais bon, je me plains pas de misère, parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu pire. 91, déménagement pour rue de Saint-Mandal. Je me rappelle de la naissance du solide amitié, avec des gens en qui j'ai du respect. Toujours un gosse à cette époque, je me souviens encore de mes premiers pas à l'école coranique. En gros, de 89 à 99, je fus ce petit que les gens du quartier pouvaient pas blâmer. Bref, l'an 2000, départ à la découverte des idées d'or aux Comores avec ma mère et mon petit frère Kader. Histoire de nous faire réfléchir et voir clair dans nos repères. De retour à Mayotte avec les potes, attirés par la rue et ses ambiances. Très vite est née la crise d'adolescence, la délinquance et les nuits blanches. Parlez pas des cours, car c'est pas mon kiff depuis la primaire. 2005, trop de choses à dire dans mes écritures. Je rentre dans le rap grâce à mon pote Lester. Au fond de la classe, avec Gravo, Nickman, Sazinou et Diaz, ça balançait que des rimes. Pour tout dire, ça nous a bousillé et trop de gens nous ont sous-estimés. 2007, un gros changement dans ma vie. Je décide de venir dans ce pays. Bien sûr, j'ai tout lâché, mes repères et mon passé, en espérant qu'ici je pouvais tout reconstruire. Dur d'expliquer à mes potes que je veux partir. Ne vous inquiétez pas, là-bas je ne vous oublierai pas. Et si Dieu le veut, un jour je vais revenir. 50907, Paris, aéroport Charles de Gaulle, j'atterris. Monsieur. Oui, bonjour, y'a un souci? Vos papiers, s'il vous plaît. À quel honneur. Discutez pas, c'est les papiers ou je vous embarque? C'est comme ça qu'on m'a accueilli. Tout ça parce que ma couleur de peau correspond pas à la leur. Voilà ce qui a déclenché ma rage. J'avoue que d'entrée, ce paysage m'a marqué. Mais la discrimination et le racisme aussi. Je me suis senti rejeté sans aucune pitié. Depuis ce jour-là est née ma haine. Mais sachez que j'ai rien contre la France. C'est le système français qui me gêne et les élus que je baise.